بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد برابور أثار ابن عباس رضي الله عنهما lorsque عطاء بن يسار il lui a posé la question pourquoi l'as-tu questionné au sujet de sa mère? Comme tu m'as évoqué, subhanallah, kazalik, lorsque je marchais, dans ma tête, il est revenu la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui dit que At-Tawba, c'est dit d'al-fi'l. At-Tawba, c'est le fait de faire l'inverse du péché que tu as fait. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans ce kitab, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَا وَآتَوُوا الزَّكَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا قَالَ الْعُلَمَاءِ فَإِن وَحَدُوا اللَّهِ. Si jamais j'unifie Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, c'est-à-dire qu'il délaisse le shirk. Il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala l'islam, l'ikhlas, le tawhid comme étant une tawba. Donc, yani, la tawba, c'est quoi le sens de la tawba? C'est-à-dire se réformer. Et comme cette personne-là, il a tué une femme, plutôt un humain, dit de le faire, c'est-à-dire de faire l'ihsan vers un humain. Et le meilleur ihsan que tu puisses faire, c'est envers ta mère. C'est envers ta mère, car c'est elle qui a le droit le plus grand dans l'islam, après Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. En premier, c'est haqq Allah, thumma haqq al-rasul, thumma haqq al-walidin. Ceux qui ont le droit le plus grand dans l'islam après Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, salawatullahi wa salamuha alayhi. Ça c'est si jamais cette personne-là n'est pas mariée. Et pour une femme, mais pour la femme qui est mariée, le plus grand des droits, après celui du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit de son mari. C'est le droit de son mari. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, il y a des hadiths qui sont évoqués sur le droit du mari par rapport à la femme, qui ne sont pas évoqués sur le droit de la fille envers son père et envers sa mère. Et là, Nabi Sam l'a dit, si jamais j'aurais ordonné à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Donc ça montre, il y en a vraiment le haqq du mari, il est vraiment énorme, il y en a pour la femme. Il a questionné au sujet de sa mère, est-ce qu'elle était vivante, afin qu'il fasse du bien envers sa mère, et que ce soit, inshallah, tabarak wa ta'ala, une cause, il y en a pour que la tawba soit acceptée. Comme elle a fait du mal à une personne, kazalika, elle, l'inverse, il implique qu'il fasse du bien à une personne. فقال هنا قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. نعم. يعني parmi les œuvres qui sont relatifs aux droits des humains. En dehors du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Yani c'est le plus grand des œuvres, l'œuvre la plus méritoire. Tam qala rahmahullahu ta'ala qala babu birr al-ab. Après la mère, c'est le père. Comme l'a évoqué le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith yani précédent. Qala an Abi Hurayra radhiyallahu an. Son nom c'est Abdurrahman ibn Sakhr al-Dousi, alayhi rahmatullah. C'est le sahabi qui avait la plus grande mémorisation. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa main sur son torse et il a fait doa sur lui. Et depuis ce jour-là, il a dit, je n'ai plus oublié un hadith, ou je n'ai plus oublié une chose. C'est Zurwatu al-Huffaz qui m'a dit, un imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, fi al-Muqidha, il a un livre dans Mustalah al-Hadith, et dans lequel il évoque les atabaqat, c'est-à-dire les paliers des Huffaz, de ceux qui ont mémorisé dans l'islam, et il dit, celui qui est en tête, c'est Abu Hurayra. قال قيل يا رسول الله من أبر avec qui je suis le plus en droit d'être bon. قال أمك. قال ثم من قال أمك. قال ثم من قال أمك. قال ثم من قال أباك. نعم. صلى الله عليه وسلم حديث. قال هنا apporté par مسلم رحمه الله تعالى. C'est un peu le même hadith qu'on a pu voir auparavant qui montre que le droit de la mère est beaucoup plus grand que le droit du père. نعم. Nabi Sam l'a évoqué trois fois parce que assez spécifié de trois choses: la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان بوالدي حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فال حديث يعني l'explication on l'a déjà évoqué. قال رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني. Qu'est-ce que tu me recommandes? قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Donc ce hadith là il est واضح, qui nous montre qu'après la mère, c'est le père qui est le plus à même, avec lequel on est plus à même d'être bon et d'observer la bienfaisance envers lui. Fait le père catholique qui a un haq, qui est azim, c'est celui qui s'occupe des dépenses. Le plus souvent, généralement, dans le foyer, c'est le père qui dépense. C'est le père qui défend. C'est le père qui a le rôle de l'éducation, qui éduque le fils. Il a un rôle catholique qui est important. Les deux sont très importants. La mère ramène un peu cette douceur-là et le père ramène cette rigueur-là. Le fils, il a besoin de ça et ça. Il a besoin de la douceur, il a besoin qu'il y ait des cas de la rigueur. S'il y a trop de rigueur, ça va peut-être devenir quelqu'un d'affaibli, de peureux. S'il y a trop de douceur, c'est quelqu'un qui va peut-être se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il ne va pas respecter les gens. Enfin, si jamais il est entre les deux, la rigueur et la douceur, c'est une personne, inshallah, qui va être respectable, inshallah, tabarak wa ta'ala. Enfin, il a besoin de la rigueur du père, que le père soit là. Enfin, kadhalika. Et il donne, lorsqu'on dit la rigueur, le père aussi kadhalika de l'amour à son fils. La kin, c'est pas comme la mère. La mère, elle a porté dans son ventre, elle a accouché, c'est pas la même chose. Le ressenti n'est pas le même. C'est clair. قال رحمه الله تعالى قال باب بر والديه وإن ظلما. باب بر والديه وإن ظلما. Le chapitre, concernant la bienfaisance envers les parents, même si jamais ils sont injustes. وإن ظلما, هاهونا il l'a mis avec un hadith pour montrer التثنية, le duel. إن ظلما أيهما إن ظلما هما. Et ça c'est pris de l'aïa, قال سبحانه وتعالى وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشَرَكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفًا. Et si jamais il t'ordonne de m'associer, ne leur obéis pas. Et il a dit سبحانه وتعالى وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفًا. Et accompagnez-les dans la vie d'ici-bas, يعني بالمعروف, donc convenable. Donc convenable. Comme on a pu voir à travers le hadith qui est plutôt l'athar. Tu agrées tes parents dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada kazarik, un insan, il se doit de respecter ses parents, d'avoir la bienfaisance envers eux, même si jamais ils sont injustes. L'injustice qu'ils font, c'est elle se retourne contre eux. Toi, tu as un droit. Ce droit-là, ça n'efface pas le droit que tu as, toi, envers eux. Tout le monde a un droit. Ils ont un droit sur toi, c'est-à-dire qu'ils doivent être justes, ils doivent bien t'éduquer. S'ils ne le font pas, Allah subhanahu wa ta'ala les jugera. Et toi, kadhalika, t'as un droit. C'est pas parce qu'ils délaissent leur droit que toi, tu vas délaisser leur droit. Là, l'insan, il se doit de donner le droit à ses parents, même si jamais ses parents sont injustes. Et quelle injustice plus grande que le shirk. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفَ. Et sois bon envers eux dans la vie d'ici-bas, dans le convenable. وَظُلْ مَعْرُف. C'est de trois catégories. Le dhulm, ma'allah, et c'est le plus grand des dhulm, le shirk. Inna shirk ya la dhulmun azim, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala, le shirk est une grande injustice. Dhulmun ma'a al-nas, avec les gens, et ça rentre dedans, dhulm ma'a rasulillah, dhulm ma'a al-walidain, dhulm ma'a al-awlad. Et kathalika dhulmun li nafsihi, une personne qui est injuste envers soi-même. Dhulmun lughatan, ou plutôt shar'an, qu'a l'ulama, c'est wad'u shay fi ghayri mawdi'i. C'est le fait de placer une chose dans l'endroit qui n'est pas approprié. قال رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدا مسلما يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه. هذا الأثر il n'est pas authentique. هذا الأثر est pas authentique car dans la chaîne de transmission il figure Saïd al-Qaisi. Saïd al-Qaisi, c'est le rapporteur, celui qui a rapporté de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il a été jugé comme majhoul, c'est-à-dire que c'est une personne, on ne connaît pas son identité, excepté le fait qu'il a rapporté de Ibn Abbas, et que Sulayman At-Taymi, son élève, a rapporté de lui. Donc c'est une personne qu'on ne connaît pas. On appelle ça Majhul Ayn. Celui dont on ne connaît pas son cursus. Et on ne connaît pas sa radala. Est-ce que c'était quelqu'un qui était sur l'istiqam? On ne connaît pas kadhalika. Est-ce que cette personne-là mémorisait? Donc là, les deux conditions, il y a deux conditions qui sont absentes pour authentifier le hadith. La première, c'est la mémorisation. Et la deuxième, c'est al-adala, parce qu'on ne prend pas d'un kafir. On ne prend pas d'un kafir, kadhalika al-mubtadi', ils ne prenaient pas de eux. Lorsqu'ils avaient la possibilité de ne pas prendre de eux, ils ne prenaient pas. La kina à l'époque, c'est ma'rouf, ce n'est pas comme à notre époque. À leur époque, les hadiths, ils étaient kadhalika al-mubtadi'a, al-murji'a, al-sufiya. C'était des gens qui apprenaient la science, qui mémorisaient les hadiths. Et certains des hadiths, on les trouvait que vers ces personnes-là. Donc là, ils étaient dans la nécessité de prendre le hadith. Parce que s'ils délaissaient ce hadith-là par rapport au fait que ces personnes-là étaient des innovateurs, ils auraient délaissé, il y en a une chose, de la religion. Donc là, il y en a ici même pas, al-mahdhurat. Là, ils étaient dans la nécessité. Comme la personne qui est dans le désert, il est sur le point de mourir, il trouve un cochon ou bien une bête morte, il la mange. Il n'y a plus d'excuses, yani. Le din, il est, tu le retrouves partout. Et ce que tu trouves chez les gens de la bid'a, tu le trouves chez Ahl al-Sunnah wa bi-Ahsan. Donc il n'y a plus de... On ne peut plus prendre cet argument-là et dire, voilà, je suis dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'Ahl al-Sunnah. Si jamais ce n'est pas le cas, comme l'a dit Cheikh Yahya, ben, tu apprends le Coran et tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il te facilite le voyage vers les gens de la Sunnah. Comme ça, le jour où tu vas partir, tu auras déjà de bons bagages, tu auras beaucoup mémorisé. Et si c'est le cas, tu as appris le Coran, ben, apprends Al-Bukhari ou apprends Muslim jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla te facilite. Qala, il dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et la base d'évoquer ce athar-là, même si jamais il n'est pas authentifié, car yani, le sens il est authentique. Si la chaîne de transmission n'est pas authentique, en tout cas le sens il est. Qala ma min muslim lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiban. Yani, al-an, il évoque que le muslim qui a deux parents, et ces deux parents sont muslims, قال يصبح إليهما محتسبا يعني l'espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la bienfaisance qui l'observe avec ses parents dès qu'il se lève, qu'il accomplit le droit d'Allah azza wa jalla, la prière, et ben il cherche à agréer ses parents, à savoir est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, est-ce qu'ils manquent quelque chose, ils sont au service, il est au service de son père et sa mère directement, محتسبا, il est prêt à les aider. Mais ça, c'est facile pour une personne qui aura, au préalable, accompli Salat al-Fajr. Un monsieur qui n'accomplit pas Salat al-Fajr, dans leur temps, comme est venu dans le hadith, يصبح كسلانا خبيث النفس. Il va se lever avec la paresse, il va être, comment ça s'appelle, dans une mauvaise humeur. Avec une mauvaise humeur. Donc, la bienfaisance envers les parents, tôt le matin, de bonne heure, ça repose sur le fait d'accomplir le droit d'Allah, azza wa jalla. Car celui qui accomplit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith, tam yusbihu nashitan. Il va se lever, il sera motivé. Mais ça, c'est qu'une personne motivée qui peut faire ce genre de choses-là. Dès le matin, directement, il regarde. De quoi ont besoin ses parents? Il est au service de ses parents. Ça, c'est une personne qui a donné déjà le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui permettre de donner le droit aux êtres humains. Qala illa fataha Allahu lahum ba'bayn, ya'ni min al-jannah. Sans qu'Allah azza wa jalla lui ouvre deux portes du paradis. Parce qu'il aura fait du bien envers son père et sa mère. Et chacun du père et la mère est une porte du paradis. Comme l'Ibn dans le hadith, fi sunan fa qala an-nabi sallam, al-walid awsat bab al-jannah. Le père est la porte médiale, si on peut dire, du jannah. La porte médiale du jannah, c'est une porte yani, qui te permet de rentrer au jannah. C'est une cause. Être bon envers ses parents, c'est parmi les plus grandes causes, comme l'a évoqué Ibn Abbas, qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Futiha lahu bab al-jannah. Et c'est authentique, parce que dans le hadith, il est venu, il dit que les pères, et ça rentre dedans, min bab awla, les mères, kazalika, ce sont des portes vers le paradis. Plus on s'approche, et plus on est bon vers eux, et plus ces portes-là vont s'ouvrir, et plus on va s'approcher du jannah. Qala wa in kana wahidan fa wahidun. Si jamais il n'y a qu'un parent, et bien ce sera une porte qui sera ouverte. Donc si jamais il est bon envers les deux, il aura fait véritablement les causes pour se rapprocher qariban min al-jannah. Qala wa in aghdaba ahaduhuma lam yardahu anhu hatta yarda anhu. Et si jamais il met en colère un de ses parents, Allah Azza wa Jalla ne va pas l'agréer jusqu'à ce que ses parents l'agréent. Et comme on a pu voir, ça c'est restreint à l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Si jamais il les a mis en colère parce que il n'a pas accompli une chose convenable, ils lui ont demandé d'aller acheter des légumes, il n'est pas parti, ça rentre dedans. Lakin, si jamais il les a mis en colère parce qu'il les a désobéis dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui ont demandé de faire une chose qui est un péché et lui il a désobéi. Ça les a rendus furieux. Fahada, ça ne rentre pas dedans. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer. Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer. Donc, on a, wa in aqdaba ahaduhuma. Fil ma'ruf, dans le convenable. Lam yardahu anhu hatta yardahu anhu. Allah Azza wa Jalla ne va l'agréer que lorsque ses parents vont l'agréer. Et ça demande qui demande le pardon à ses, à Allah Azza wa Jalla qui s'excuse auprès de ses parents. Qala wa in zalamahu, même s'ils sont injustes. Qala wa in zalamahu, même si jamais ils sont injustes. Enfin, on ne répond pas au mauvais comportement, à l'injustice que nous font nos parents par une injustice qui est de délaisser ce droit, délaisser la bienfaisance envers ses parents. Ils ont un droit sur nous, et nous aussi, qu'à tel cas, on a un droit. Et ça ne justifie pas qu'on délaisse le droit qu'ils ont sur nous, parce qu'eux ont délaissé le droit qu'ils ont sur nous. On se doit d'être juste, comme le dit Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas une plus grande injustice que le shirk. Donc, en dehors de cela, on se doit vraiment d'être très bon envers nos parents. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, malgré qu'ils font de l'association. Fa'ala huwa, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Nasallahu alayhi wa jalla, yanfa'ana wa yakib, yama sami'ana.